tient qu'à y bouger. Et vas-y souffle, hein. On n'a pas le time, cousin. Comarte l'a répété, je suis tellement, tellement bourré au lyrisme que je crois que je vais gerber. Et rien à foutre du showbiz, de leur jet set et de leur tease. Frapper un petit gros maquet, je te bouffrai comme du frosties. Toujours la classe, dépasse, sur l'autre je prends ma place. Du niveau du flow avec juste un mic, tout comme la gymnase. On fait que des tueries, musique armurée. Je mange que Hellet, serre-moi un filet au fichier, un Marc Fleury. T'es en manque de son, viens checker mes cordes vocales. Ne t'en bats pas les couilles, si c'était vrai t'aurais eu trop mal. Ouais, mec enfermé qui tourne en rond, qui ne savent plus quoi faire. Si tu veux que je te fasse cousin, je te mets un revers. Et rien à foutre, tu peux arrêter.